Madame, vous ne pouvez pas passer, la rue est barrée. Et pourquoi donc? J'habite au bout de la rue. Il y a une manifestation, madame, tout est fermé. Vous devez garer votre voiture et finir à pied. Mais enfin, monsieur, regardez. J'ai 2 enfants, dont un bébé. J'ai 10 paquets. Comment voulez-vous que je porte tout ça? Madame, je ne peux rien faire pour vous. C'est barré jusqu'à 15 heures. Monsieur, écoutez. Je vais en voiture devant chez moi. Je dépose les enfants et les paquets. Et je vous assure que je reviens immédiatement garer ma voiture ici. Bon, d'accord. Mais dépêchez-vous.